Extrait du 29 août 2010. 17h30. C'est l'heure à laquelle la lumière caresse et met en valeur tout ce qu'elle touche, les paysages, les visages. C'est l'heure des dernières photos, mais aussi l'heure à laquelle nous nous mettons à rechercher un endroit pour planter notre tente. En général, nous trouvons une maison et demandons à remplir nos deux gourdes et notre réservoir de 3 litres. 5 litres, c'est à peu près ce dont nous avons besoin pour préparer une soupe, un plat de pâtes, un thé le soir et le lendemain matin préparer les flocons d'avoine et nous faire un brin de toilette de chat. Ce moment où nous refaisons nos réserves d'eau nous permet en général d'échanger un brin de conversation et de connaître la personne et nous faire connaître. Si nous entrons en confiance, nous demandons si nous pouvons planter notre tente dans un coin du jardin. Sinon, nous poursuivons notre chemin pour trouver un autre endroit. À un carrefour, deux hommes sont en train de discuter à proximité d'une voiture. Ils se saluent, l'un prend le volant et nous profitons pour demander de l'eau à l'autre. Je vous ai vu hier, près de San Manuel. Effectivement, nous sommes passés par là hier dans la matinée. Et qu'est-ce que vous venez faire dans ces lieux? Nous marchons pour connaître la région et aller à la rencontre des personnes, sans faire de stop. Ne dites pas que vous avez fait tout ce trajet à pied. Et jusqu'où pensez-vous aller comme cela? Jusqu'à la côte et après un peu plus au sud. Nous sommes obligés de dissimuler la véritable destination de notre marche pour préserver nos interlocuteurs et rester crédibles. Le seul fait de nommer la dernière localité par laquelle nous sommes passés ou celle vers laquelle nous marchons provoque en général des réactions difficiles à contenir. Lorsque la conversation s'établit et que nous expliquons que nous sommes partis de Santiago il y a une semaine et que nous sentons que la personne est un peu plus préparée. Nous augmentons la distance parcourue et à parcourir. Peu sont les personnes auxquelles nous pouvons dévoiler complètement notre projet.